Coucou. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes là ? Vous êtes là ? Répondez pas tous en même temps. Oui, je sais, vous êtes là. Eh bien, puisque vous êtes là, nous allons, dans cette émission, la 756e, nous allons voyager, eh bien, avec un orchestre aujourd'hui. Un orchestre que vous connaissez bien, qui fait partie du bassin belgardien depuis, oh là là là là, depuis des lustres. Depuis des lustres. Oh, je me souviens qu'on a fait des bals avec cet orchestre, on n'ose même plus les compter, tellement on en a fait. Cet orchestre, c'est les Loups Blancs. Eh oui, les Loups Blancs. Eh oui, il ne reste plus que, j'allais dire, de ces anciennes orchestres que nous avons côtoyés de très près. Ambiance, les Joyeux Vagabonds. Samedi soir, l'orchestre à Sandro aussi au tout début, avec Titi Fazan et Tutti Quanti. Les Loups Blancs, c'est une longue histoire. À l'origine, c'était l'ami Fernand Rochette qui conduisait la troupe. Et puis, l'accordéoniste de ce temps-là, Ricou, eh oui, s'appelle Ricou, Michel Lançon, qui est toujours là. Il est toujours là, c'est le dernier des Mohicans. Eh oui, le dernier des Mohicans dans le bassin belgardien. Alors, en fouillant dans mes archives, je suis tombé sur deux CD qui m'ont rappelé beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs. Donc, bien ces souvenirs-là, nous allons nous les remémorer ensemble. Nous allons faire un beau voyage avec l'orchestre Les Loups Blancs de Ricou, Michel Lançon. On va partir en Espagne tout de suite pour commencer. Et puis après, après, vous verrez bien. Thank you. banderilles. Le matador, son épée sur un petit air de gueule, puis le guet la foule au fil de mise à mort. Olé! Voilà, après ce petit medley de chansons, on va dire populaires, oui, de chansons populaires, eh bien, nous allons aller dans un endroit où on trouve, vous savez, ces petites fleurs blanches à clochette. Oh, allez, je vous le concède, c'est pas forcément la véritable saison, mais pour un bouquet, pour un petit brin de muguet, c'est toujours la saison. Comme un frisson quand tu entends chanter l'accordéon. Ne cherche pas, mais dis-toi bien que l'amour n'est pas très loin. Continue cette promenade avec l'orchestre des Loups Blancs et l'ami Ricou Michel Lançon avec Bille de billard. We'll be right back. cœur. Au rythme d'un orchestre qui fait des pom-pom, on s'en fit des litres. Le groupe le sait mieux passer des pom-pom. Avec Titine et Tête d'Or que l'on nomme la tata. Et quand on nous allons pom-pom, là où, là où, là où, là où, là où, il y a des frites. la jolie Louise. Ah, ma jolie Louise, allez, encore une petite balade. Les années qui passent, des rêves qui se cassent, pas facile, il faut s'accrocher. Les succès, les défaites, ciel bleu ou tempête, pas à pas, vivons pleinement le temps présent. Hier, c'est le passé, et demain, qui sait, regarde tout droit, rien qu'un jour à la fois. Un chagrin par un autre amour, entre joie et peine, la vie se promène, prenons le temps qui court, un jour à la fois, c'est plus simple. D'oublier le temps qui file au vent. Hier, c'est le passé, et demain, qui sait, regarde tout droit, rien qu'un jour à la fois. Un jour continue tout doucettement cette petite balade avec l'orchestre des Loups Blancs. We'll be right back. poussin qui s'élance et rate les plongeoirs. C'est comme la chanson douce que chantait ta maman le soir. La petite marionnette qui s'étale et qui s'entête, c'est l'enfance qui revient le soir où tu as du chagrin. Le plongeoir, c'est comme la chanson douce que chantait ta maman le soir. La petite marionnette qui s'étale et qui s'entête, c'est l'enfance qui revient le soir quand tu as du chagrin. Vous êtes toujours là, vous êtes toujours là et nous sommes en voyage avec l'orchestre Les Loups Blancs dans cette émission, la 756e du nom. Les gens qui cherchent la lumière en pleine nuit, les gens qui courent après l'amour et qui le fuient, et moi qui serai pour un Dieu qui le voit pas. Moi j'ai ta chair contre ma chair, en ça j'y crois. Les gens qui n'ont que l'illusion femmes qui pleurent leurs enfants et restent dignes. Tu me renvoies chaque jour sans Dieu ni loi. Et quand nos cœurs se font l'amour, je sais pourquoi. Il a encore un peu de coffre. Ah oui, oui, oui, il y a encore un peu de coffre. Elle n'est pas évidente, cette chanson. Hein. Oui, elle n'est pas évidente du tout. Aux couleurs de l'arc-en-ciel, ça fait rire les oiseaux. oiseaux. Mais bamboléa, when the big hair is hit, don't care where the little are see. Bamboléa, bamboléa, when the big hair is hit, don't care where the little are see. Bamboléa, bamboléa, when the big hair is hit, don't care where the little are see. Bamboléa, bamboléa, when the big hair is hit, la vida así. Yeah! Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Je ne sais plus comment te dire. Je ne trouve plus les mots. Ces mots qui te faisaient rire et ceux que tu trouvais beaux. J'ai tant de fois voulu t'écrire et tant de fois coupé le tout. Et pour revivre nos souvenirs, j'ai même aussi frôler ta peau. Oh, dis-moi, regarde-moi, je ne sais plus comment t'aimer, ni comment continuer. Parle-moi, oui, parle-moi, je ne sais plus pourquoi t'aimer, ni pourquoi continuer. Je ne sais plus comment poursuivre à cet amour qui n'en est plus. Je ne sais plus que souffrir, souffrir autant que j'y ai cru. Je sais qu'il faut me survivre et avancer un pas de plus pour qu'enfin cesse la dérive des moments à jamais perdus. Oh, dis-moi, regarde-moi. Je ne sais plus comment t'aimer, ni comment te garder. Oh, dis-moi, regarde-moi. Il y a la vie dont on rêvait, celle qui commençait. Oh, parle-moi, parle-moi. Je ne sais plus pourquoi. Ni comment continuer. Oh, dis-moi. Ah, voilà que ça continue dans cette partie souvenir. Eh oui, faut bien l'appeler ainsi, la partie souvenir. C'est bon ça. Ah oui, c'est très bon. Les petits agneaux, allez mettre toute la gomme. Voilà le Madison. En chantant cet air, Michel Moral au maximum. C'est chouette le Madison. Faut de la souplesse, pas sauter dans le chewing-gum pour faire le Madison. Jean-Robert Paulet, Claude Antoine et Simone dansons le Madison. C'est bon le Madison, c'est bon le Madison, c'est bon, c'est bon, c'est bon le Madison, c'est bon le Madison, c'est bon le Madison, c'est bon, le Madison. c'est bon, le Madison. Eh bien, bonjour, mademoiselle, vous êtes vraiment très belle. Que faites-vous donc dans la vie? Je suis marchand de fruits. Je prends des formes, des poires et des Scooby-Dooby. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Vous êtes vraiment très belle. Merci. Mais que faites-vous donc dans votre vie? Je suis marchand de fruits. Je vends des pommes, des poires et des Scooby-Dooby-Doo. Pommes, pommes, des poires, poires et des Scooby-Dooby-Doo. Scooby-Dooby. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Io sono l'italiano, italiano vero. Pas d'accord, Ericou. Non, non, l'italiano vero sono io, non tu. Bon, allez. Allez, un petit coup d'accordéon, s'il vous plaît. Merci, c'est parti. Thank you. coin de, dans ton village. Dis-lui que je n'ai pas oublié si tu t'en veux. Et je l'espère, une prière promise sous nous, bientôt la providence. Ah oui, je l'ai croisé, hein. Je l'ai croisé, y a pas de souci. Je l'ai croisé et j'ai fait la commission. J'ai fait la commission. Eh oui. Allez. Même si c'est un peu fou, on a peur. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. C'est fini, et quand c'est fini, ça recommence. Parce que quand ça recommence, eh bien c'est que c'est pas fini. Fleurissent pour toi un gitano de la Sardaigne. Barcelone. Au matin, le soleil en flamme, la mer au loin comme une flamme. Je t'attends parmi les cigales, dans la montagne, et les fonds gitanes. C'est vrai, mais septembre est si beau, c'est bien. On s'en va vers le froid, mais ensemble, pour faire nos derniers pas, et la vie nous entraîne doucement vers demain, et les années s'égrènent comme sable entre nos mains. Entre bonheur et peine, le cœur à l'unisson, et qui s'aime, emmène-nous en chanson, et la vie nous entraîne doucement vers demain, et les amis s'élèvent comme sable entre nos mains. Entre bonheur et peine, le cœur à l'unisson, et qui s'aime comme nous en c'est vrai, avec cette très très très jolie chanson, c'est ainsi que se termine cette première partie de l'émission. Je vous rappelle que nous avons fait un bon voyage avec l'orchestre des Loups Blancs dans cette émission. Et cette deuxième partie, nous allons la débuter tout simplement avec une dédicace. Alors, vous savez ou vous savez pas. En tout cas, ceux qui sont confrontés à cela le savent. Vous savez que l'on n'oublie jamais quelqu'un que l'on a perdu, surtout quand ce sont ses parents. Et voilà, la belle histoire, en définitive, c'est d'avoir toujours à présent, dans son esprit, eh bien, son papa et sa maman. C'est le cas de Suzanne. Suzanne, elle habite rue du Rhône, à Arlot. Et tout le temps, à cette période, eh bien, elle a ce souvenir de ses parents. Ses parents fredonnaient tous les deux la chanson des Blés d'Or. Eh bien, Suzanne l'en rend hommage toujours avec cette belle chanson, Les Blés d'Or, que nous interprète Jacques Lantier. Merci, Suzanne, pour cette très belle pensée pour vos parents. Lune éclaire la plaine au bruit mélodieux, lorsque l'étoile du mystère vient sourire aux amoureux. As-tu parfois sur la colline, parmi les souffles caressants, entendu la chanson divine que chante les blés frémissants? Mignonne, quand le soir descendra sur la terre et que le rossignol viendra chanter encore, quand le vent soufflera sur la verte bruyère, nous irons écouter la chanson des blés d'or. Nous irons écouter la chanson des blés d'or. À

ça doucement. Et c'est plus fort et c'est plus grand que l'amitié. Nous on s'aime depuis si longtemps, en copains au fil des années. Comme deux adolescents un peu gênés. Il est temps d'aimer, il est temps d'y croire. Une histoire d'amour va commencer. Et c'est bien notre histoire. Même si c'est que ça peut durer toi et moi toute une vie. Il est temps d'aimer, il est temps d'y croire. Une histoire d'amour va commencer. Et c'est bien notre histoire. Même si c'est un peu fou, on a fait rendez-vous. Il est temps d'y croire. On a tant perdu de temps, bien trop de temps. S'il faut y croire, c'est maintenant. Entre le cœur et la de chansons encore.

Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Désormais, on ne nous verra plus ensemble. Désormais, mon cœur vivra sous les décombres de ce monde qui nous rassemble et que le temps a dévasté. Désormais, ma voix ne dira plus je t'aime. Désormais, moi qui voulais être ton ombre, je serai l'ombre de moi-même, ma main de ta main séparée. Jamais plus nous ne mourrons au même fruit, nous dormirons au même lit, nous referons les mêmes gestes. Et du reste, désormais, les gens nous verront l'un sans l'autre. Désormais, nous changerons nos habitudes. Et ces mots, croyez-nous, tu les diras dans notre bras. Désormais, je garderai ma porte. Enfermé dans ma solitude, je traînerai parmi les choses qui parleront toujours de toi. Faites comme moi. chant du bois. Bien évidemment, Charles Aznavour dans ses deux interprétations désormais. Et puis, on se reverra un jour ou l'autre. Un grand monsieur de la chanson qui nous a quittés il y a quelque temps maintenant et auquel on doit toujours rendre un petit hommage car c'était un sacré chanteur, c'était un sacré monsieur tout simplement. Merci Charles. quart d'heure italien que vous attendez toutes et tous, bien sûr. Stringi forte la mia mano e non chiedermi perché. Chiudi gli occhi e dammi un bacio. Nel cuore ci sei tu. Io piango per amore, perché amo solo te. Dai ricordi in fondo al cuore, all'inizio ci sei tu. Baciami. Commence fort, hein, l'italien, là, oui, c'est une fille, d'ailleurs, ah oui, on commence fort. Là, c'est, je sais, hein, qu'il y en a un qui doit être devant son poste, devant son, comment dirais-je, son transistor, il est là, et il attend, c'est Marcel. Et oui, et Marcel attend, chauffe Marcel, chauffe, il tourmondo, c'est pour toi, mon ami, tout simplement pour toi, mais aussi pour les autres, Laisse que tout le monde en profite de cette magnifique chanson. Bravo. Tu mi racconti di te, di un mondo che fu, di un vecchio mondo che ormai non può ritornare. Eppure mi è rimasto nel cuore l'amore che tu avevi per me. Vorrei accarezzava. E da quel giorno i miei ricordi li dedico a te. Ero un bambino, ma tu mi insegnavi a capire tutte le cose che tu sapevi da sempre. L'amore, l'amicizia e il dolore. Ricordo, le ho imparate da te. Vorrei tornare indietro per un momento, ma il tempo non si ferma, corre lontano. Io stringo forte a me la piccola mano, che un giorno mi accarezzava. E da quel giorno i miei ricordi li dedico a te. C'était pour l'ami Marcel, pour son plaisir personnel. Il y en aura d'autres, mon pote, il y en aura d'autres. Adesso che non sei più qui, il ricordo fa male. Provo, ma non riesco più a dimenticare. Sai che ho bisogno di te e sento un vuoto qui dentro di me. Malinconie che la notte avvelenano il cuore. Sei come il vento col fuoco. Se adesso chiudo i miei occhi sento più forte bruciare il mio dolore. Io ti penso e penso al profondo bisogno di te. Io ti voglio e vorrei che tu ritornassi da me. Ora sono qui troppo sola e non riesco a guarire. Ritorna da me, voglio solo te che hai spezzato il mio cuore. Vola pensiero dorato, pensiero d'amore. Più veloce che puoi, fin dentro al suo cuore. Sarà felice perché lui non lo sa, ma ha bisogno di me e di un pensiero felice che accompagni i suoi giorni. Ritorno adesso a sperare, solo con lui io so amare. Nelle sue mani ho lasciato il mio domani. Io ti penso e penso al profondo bisogno di te. qui troppo sola e non riesco a guarire. Ritorna da me, voglio solo te, che hai spezzato il mio cuore. Sola e non riesco a guarire. Ritorna da me, voglio solo te, che hai spezzato il mio cuore. Ritorna da me, voglio solo te, che hai spezzato il mio cuore. Eh oui, on peut l'applaudir, la gentille petite Marianne, avec bien sûr son compagnon. Très bel orchestre. Che c'è, ma sei tu l'universo per me. Ci sono migliaia di baci, di amanti e di sguardi veloci. C'è tutto c'è, ma sei tu l'universo per me. Ma se un pensiero una mattina mi sveglierà e tu non fossi qua, se tu non fossi qua, metti la mano sopra il mio cuore. Che aspetta là fuori, c'è tutto il profumo che c'è, ma sei tu l'universo per me. Ma se un pensiero we'll be right back. calmerà. Di che amore avrà e che non finirà. Ma sei tu l'universo. Eh oui, dans cette émission, le quart d'heure italien, c'est tout dans la douceur aujourd'hui et demain et après-demain et tutti giorni che passeranno, tous les jours qui passeront. Voilà, allez, on continue cette belle émission. Ah oui, faut pas avoir peur, les chevilles enflent un tout petit peu, mais ça fait rien. Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano, chissà dove. Io ebbi paura perché sempre quando sento questo suono penso a qualcosa di grave e non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci. Allora, come ora, ci guardavamo. Avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso, ti ho accompagnata per la tua solita strada. Ti ho baciata come sempre. Ti ho detto dolcemente: la lontananza, sai, è come il vento. Spegni i fuochi piccoli, accendi quelli grandi. Quelli grandi. La lontananza, sai, è come il vento che fa dimenticare chi non s'ama. È già passato un anno dell'incendio che mi brucia l'anima. Io che credevo d'essere il più forte mi sono illuso di dimenticare e invece sono qui a ricordare te. Adesso che è passato tanto tempo, darei la vita per averti accanto, per rivederti almeno un solo istante, per dirti perdono. Ed ho gettato via inutilmente l'unica cosa vera della mia vita, l'amore tuo per me. Ciao amore, ciao, non piangere, vedrai che tornerò, te lo prometto, ritornerò. Te lo giuro, amore, ritornerò, perché ti amo, ritornerò, ciao amore, ciao, non piangere, ritornerò, perché ti amo. Io che credevo Eh oui, voilà, on va arriver au terme de cette émission avec une toute dernière chanson. Sei l'uomo dell'amica mia, non dobbiamo scordarlo. Mi guardare come fai, mi pensare come sai tu, non devi farlo. Per lei sei tutto quel che hai. Per me solo un amico in più, perché una voglia in più che hai, un'avventura poi da cui scappare via finché lo vuoi. Dipende se da me ci penserei prima di amarti. Che potresti anche tradirmi e farmi male come a lei. Più che un'amica è come fossi io. Abbiamo diviso tutto noi, le grandi gioie e i giorni bui, la gioventù ed i primi guai. Ma un uomo in due non si può. La mente fa dei cerchi strani. Prima carezzi il viso suo, poi le tue mani su di me. Ci vediamo domani. Ma come fai a dividere un sentimento per non perderti in un groviglio di perché, in un gran mare di cioè. Amore tu non sai cos'è. Dipendesse da me ci penserei prima di amarti. Che potresti anche tradirmi e farmi male come a lei. Più che un'amica è come fossi io. Abbiamo diviso tutto noi, le grandi gioie e i giorni bui, la gioventù ed i primi guai. Farmi male come a lei, più che un'amica è come fossi io. Abbiamo diviso tutto noi, le grandi gioie e i giorni bui, a un mezzo amore questo mai. On se quitte. Pour mieux nous retrouver, je vous aime et je vous embrasse. Et vous les femmes, je vous embrasse partout, partout, partout, partout, partout. Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous.